qu'on avait, c'était du double zéro. Derrière le 1, on voulait 6-0. Si la rime paye pas le crime qu'on pense. Hey yo, plus qu'on pense. 2002, c'est l'heure de la récompense. La vie, c'est des hauts, des bas, mais au départ, y'a moins de hauts que de bas. La tête haute, chauvin, mais pas. Un faux pas, et puis du drame en samba. Y'a plus de serpents qu'il y a d'échelles ici-bas. Facile de critiquer. Mes marches mille dans mes souliers, suis les traces que j'ai laissées. Et j't'attends au fil d'arrivée. Avec les gagnants sur le podium, j'te pisse au rectum. Si tu sais pas perdre comme un homme, bitch. Sais-tu ce que c'est que faire un saut quand ton téléphone sonne? Ou quand on sonne à ta porte et que t'attends personne? Mélange de prudence et de paranoïa. À un tel point qu'aujourd'hui j'fais moins mon gars. J'ai pas le choix, il faut que j'sois à mes affaires. D'un jour à l'autre, j'ai toujours plus de choses à faire. Blanchir le blé dans le beat pendant que pas t'amorce le cash dans le jeep avec le sous le backseat. Sais-tu ce que c'est vraiment que la bise et le stress? Les bitches, les stitches, prendre des risques et tout le reste. Sais-tu ce que c'est qu'un ami? Sais-tu ce que c'est qu'un ennemi? Et quand tu parles, sais-tu vraiment ce que tu dis? J'vis la vraie vie. C'est où l'on meurt seul. J'vis la vraie vie. C'est où l'on pleure seul. J'vis la vraie vie. C'est où l'on meurt seul. J'ai peur de personne puisque j'suis mon pire ennemi. J'vis la vraie vie. C'est où l'on meurt seul. J'vis la vraie vie. C'est où l'on pleure seul. J'vis la vraie vie. C'est où l'on meurt seul. J'trosse personne puisque j'suis mon meilleur ami. Y'en a qui pensent me connaître mais savent même pour qui ils sont. Moi j'sais ce qui m'attend, la mort, la fortune ou la prison. Qu'importe la situation, même dans le feu d'action, j'garde le sang froid tant que j'en ai des frissons. Rien à foutre si tu doutes de ce qui sort de ma bouche. Toute façon, on sait tout que tu fais dans ta couche. Les gens qui parlent comme toi agissent peu et restent silencieux dès qu'ils sont moins nombreux. C'est dans les pires moments qu'on reconnaît qu'ils sont nos alliés cantés. Au premier palier, première marche de l'escalier, on dit que les gens changent avec le succès, mais c'est faux. C'est les gens qui changent quand t'as du succès. On parle différemment, puis on te regarde différemment. Avant ça m'affectait, maintenant ça me laisse indifférent. Après tout, qui serait debout après ce que j'ai traversé? Combien aurait encore un pouls le cœur transpercé? Pas beaucoup. Jamais des larmes j'ai versé quand on m'a testé. C'est un coup de feu ce que j'ai riposté. Mais c'est fini les conneries, j'suis passé par là. Le prochain qui me teste, le prochain qui a pas les cherchera. Fuck le rap shit. Hey yo, ça peut devenir physique, chacun son rôle. Moi j'suis mec comme un pic, j'ai jamais tué personne. Mais s'il faut, j'ferai un téléphone. 8-3, c'est là que tu trouveras ton homme. J'vis la vraie vie, c'est où l'on meurt seul. J'vis la vraie vie, c'est où l'on pleure seul. J'vis la vraie vie, c'est où l'on meurt seul. J'ai peur de personne.